Donc, on recommence. Bien oui, mon intervieweur est tombé dans un grand piège de l'évolution. Il est présentement en Chine. Une conférence intéressante. Plusieurs questions. Quels sont les grands pièges de l'évolution? Mais moi, je pose une question un petit peu plus dangereuse. Est-ce qu'il y a, premièrement, une évolution? S'il n'y a pas d'évolution, nécessairement, le seul piège de l'évolution, c'est de croire qu'il y a une évolution. S'il n'y a pas d'évolution et que la majorité de l'humanité, depuis le début des temps, travaille pour évoluer et que réellement l'évolution est une illusion, il y a beaucoup d'humains qui sont dedans depuis longtemps. Réincarnation après réincarnation, vie après vie ou hérédité sur hérédité. Il y a ceux qui disent qu'avant il n'y a rien, qu'après il n'y a rien, et autant en profiter. Il y a ceux aussi qui sont d'accord, mais qui veulent quand même s'améliorer dans leur vie. Mieux vaut mourir riche et en santé que pauvre et malade. Et il y a ceux qui disent qu'il n'y a que ça. L'évolution, la matière, c'est une illusion. Et le monde spirituel, c'est la réalité. Et il y a moi, évidemment, qui dis que tout est illusion. Et la matière, et la valeur, et l'importance, et l'évolution. J'ai dit souvent, j'ai même osé démontrer, à un moment donné, que tout évoluait sauf une chose chez l'homme, et cette chose s'appelait l'âme. Que l'âme était le seul facteur qui n'évoluait pas, mais qui était totalement anti-évolutif. L'âme est un virus chez l'homme. L'âme est la bibitte qui fait que l'humain n'évolue pas ou évolue très mal. L'âme est un ténia, un ver solitaire du corps vital. Et chaque fois qu'on accumule de l'énergie, ce ténia, ce ver solitaire du corps vital, l'âme l'absorbe, en absorbe la majorité, grande quantité. Ce qui laisse très peu d'énergie pour le corps physique, ce qui à la longue le rend vieux, malade, et le tue. Laissant un peu d'énergie au corps vital, ce qui fait que l'humain n'arrive plus à percevoir les choses, alors il est confronté, confiné, à se rappeler les sentiments qu'il a eus lorsqu'il était jeune, et il appelle cela l'émotion, parce qu'il n'est plus capable de vivre de sentiments, il manque d'énergie vitale, le ténia, l'âme, en prend trop. Ce qui en laisse aussi un peu moins au corps mental, ce qui fait que l'humain, même s'il est capable de logistique, même s'il est capable d'être logique, agit plus souvent qu'autrement, émotivement, amiquement, parce que le mental n'a pas assez d'énergie pour lutter contre l'âme. Et ce qui en laisse très, très, très, très, très peu pour le contact supramental, pour l'esprit. Parce que le virus, l'âme, le ténia, le ver solitaire, prend trop d'énergie. Et la majorité des structures d'évolution sont faites en fonction de l'âme. Et évidemment, si on met tous nos efforts à faire évoluer la seule chose qui n'évolue pas dans l'homme, eh bien, on s'est fait avoir, on met nos efforts à accumuler de l'énergie pour nourrir le ténia. Alors, le ver solitaire dans nos intestins nous dit, « Mange ceci, c'est bon pour la santé de tes mains. » Alors, on le mange. Puis lui, en dedans, ben, il bouffe tout, c'est ça qu'il a besoin. Après des dizaines d'années, des centaines d'années, sinon des milliers d'années, on se rend compte que nos mains sont toujours aussi rachitiques, mais que notre ventre est gros. On a beau prier Dieu, on continue à mourir des mêmes vieilles maladies, mais les religions s'enrichissent. Et le monde de la mort aussi, si on ne le voit pas, quand on meurt, on s'en rend compte. On nous envoie des armées pour nous obliger à mourir une deuxième fois, à pénétrer le monde de la mort, le ciel, de façon à libérer nos énergies totalement là-dedans, de façon à se faire digérer. Alors, les grands pièges de l'évolution, il y a un très grand piège qui est déjà celui de croire qu'on évolue. Dernièrement, je rencontrais des humains qui, justement, font carrière dans l'évolution. Et il me disait, l'homme doit tout faire pour atteindre la lumière. Ce qu'il ne sait pas, le pauvre type, c'est que c'est la lumière qui se déplace, pas l'homme. L'humain s'occupe en attendant. Ou il gaspille de l'énergie. Mais l'humain ne se déplace pas pour aller rejoindre la lumière. C'est la lumière qui se déplace, pas l'humain. Parce que si ça aurait été l'humain qui aurait eu à se déplacer, ça fait, disons, quelques milliers d'années que l'humain se déplace pour atteindre la lumière. Ou bien la lumière est très loin, ou elle nous fuit, comme la peste. Ou bien dans le passé, il y a eu un paquet de saloperies de menteries qui ont été comptées à nos ancêtres. Où le Nazaréen leur disait que le royaume des cieux était proche. 2000 ans après, on n'a pas encore arrivé. Où les Bouddhas disaient qu'on avait juste à suivre la voie du juste milieu. Il y a un paquet qui ont essayé. Qui sont fait écraser par les deux extrémités. Alors, cette évolution, c'est évident qu'on peut améliorer notre condition psychologique à travers notre vie. On peut arriver à mieux s'entendre avec nos voisins. On peut arriver à mieux s'entendre avec nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, je parle de toutes nos mémoires réincarnationnelles qui viennent nous hanter. Et ça, s'entendre avec soi-même. Si on serait tout seul chez soi, on n'aurait pas besoin de s'entendre avec soi-même. C'est parce qu'on est plusieurs dans le même corps physique qu'on doit s'entendre avec soi-même. Qu'on doit apprendre à se connaître les uns les autres, en dedans. Et quand on arrive à faire un consensus commun et on se dit, tout le monde, on veut faire telle chose, là, on devient puissant. Mais c'est évident que si une partie veut évoluer, une partie veut être Krishna, une partie veut être Mormon, une partie veut être dans le bar topless, une partie veut s'évacher devant la télévision, un autre a faim, un autre est colérique parce que telle chose ne marche pas à son goût, alors que l'autre lui dit, voyons donc, respire par le nez, puis calme-toi. Il y en a un qui lui dit, ben oui, achète-les. L'autre lui dit, non, c'est trop cher. Tout ça en dedans. On appelle ça la réflexion. Toute la gang réfléchit en même temps. C'est-à-dire, toute la gang projette sur un miroir et c'est réfléchi et c'est là qu'on voit, qu'on pense, qu'on pense. Tout le monde réfléchit en même temps à l'intérieur de soi. Il faut commencer par faire là-dedans, se fouiller. La problématique, c'est comme ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de la vie de l'homme. Chaque fois qu'on fait la paix, deux, trois semaines après, deux, trois mois après, ça recommence. Et là, on se dit, mais il n'y a rien de stable. On reste comme on était. Dans la réalité des choses, on avance. Et plus on est capable de digérer, plus on va nous envoyer de l'alimentation, de l'énergie. Alors, nécessairement, on devra toujours digérer. C'est comme lorsque vous avez faim, vous dites, bon, ben, je vais manger un souper, ça va être réglé. Oui. Jusqu'à dans deux ou trois heures ou quatre heures, vous serez encore faim. Alors, on peut dire, crime, je me ramasse toujours à la même place. Non, vous avez été bébé. Et de faim en faim, d'alimentation en alimentation, vous êtes maintenant des adultes. La majorité d'entre vous. Et continuant à s'alimenter, on ne reste pas à la même place, même si on refait toujours les mêmes choses. Mais dans l'évolution, c'est le même phénomène. On pense qu'on reste à la même place parce qu'on répète inlassablement les mêmes conditions. Monter des escaliers, c'est monter une marche après l'autre. Ce n'est pas parce que nous montons une marche qu'on est encore à notre point de départ. Oui, mais j'ai commencé à monter une marche, puis ça fait 50 fois que je fais le même geste, puis j'ai encore le même geste à faire, donc je suis encore en bas. Non. Mais la structure évolutive ou apparemment évolutive, c'est monter des marches. S'il y en a 10 000, il faudra que tu montes les 10 000. Une par une, deux par deux, trois par trois, quatre par quatre, ça commence à être risqué. Il faut débouler. Et remarquez que débouler un escalier, c'est pas comme monter des marches. Il y a beaucoup d'individus qui déboulent, puis rendus en bas, ils se disent « Crime, je suis rendu en haut. » Parce que là, il y a eu un changement. Non. Les grands pièges de l'évolution, premier phénomène, croire qu'on évolue. Ça, c'est déjà un immense piège parce que on n'évolue pas fort, sa planète. La spiritualité, c'est le grand piège. La spiritualité sur cette planète, c'est un immense gouffre, une immense gueule qui a faim et qui se nourrit d'humains. Il y a une immense gueule au fond duquel existent plusieurs petites gueules qu'on appelle les religions, les sectes, les centres de croissance. Et à travers tous ceux qui tombent dans la grande gueule, toutes les petites gueules essayent de se ramasser des morceaux, se nourrir, convertir, alimenter. Plus on alimente une gueule, plus le corps qui y est rattaché grossit. Plus elle devient puissante, plus ça peut bouffer. C'est pourquoi les gueules disent bien, crient bien de convertir autrui. Un grand, grand piège de l'évolution, c'est de croire qu'un individu a, pour les autres, la vérité. Il a sa vérité. Il a sa réalité. Cela prouve que la réalité ou la vérité existe. Mais personne ne peut conduire autrui. Lorsque un individu ou un groupement prétend avoir, pour les autres, la réalité ou la vérité, c'est un menteur ou un inconscient. Plus souvent qu'autrement, c'est un inconscient. Il est sincère, donc il n'est pas menteur. Il est ignorant de certaines choses. Toute la spiritualité mondiale est une farce du point de vue cosmique. Ce n'est pas une farce du point de vue de l'homme. Celui qui est dans la spiritualité en a besoin. C'est son placebo. C'est le médicament, la pilule en sucre qui lui donne l'illusion de s'occuper de lui. Celui qui a mal au ventre et on lui donne un placebo, un médicament fictif, pilule de sucre, un bonbon, déguisé en pilule, et qui se sent mieux après, c'est un spirituel. Il est dans la spiritualité. On met du baume sur son cœur. Ça recommence régulièrement. Dieu est un médecin pilule. Tous les dieux. Évidemment, celui qui est absolument convaincu que ses médicaments lui ont sauvé la vie et que ce sont ces médicaments qui sont uniques, essentiels, importants, cosmiques. Eh bien, ce que je dis n'a pas de sens pour lui. Celui qui a toujours pris le Valium pour s'endormir, ou celui qui se drogue, j'ai rencontré des gens au Guatemala qui m'ont dit que dans ces pays-là, sans drogue et sans alcool, on ne peut pas vivre. Non, ben, je connais plein de pauvres, moi, qui n'ont pas ni drogue ni alcool, puis vivent là. Puis je connais plein de blancs avec, qui sont capables de travailler pour Suco, pour d'autres organismes. Ils ne se droguent pas, ils ne boivent pas. Mais ceux qui sont convaincus que prêchent par l'exemple et par la parole. Ah, oh, prends-en donc une. Ça, ouais, tu vas te sentir mieux après. La boisson ou de la drogue. Mais il y a d'autres formes de drogue. La prière. Le rituel. Le cérémonial. Allons tous à la taverne ensemble. C'est bien mieux que tout seul. Spirituellement, on appelle la taverne l'église. Le temple. On va là parce que seul, on n'est pas convaincu que ce que nous faisons est correct. En groupe, c'est plus puissant. Ça nourrit plus. Quand on entend le petit rot de la gueule, eh bien, on dit il est content. À toutes les 2000 ans, une apparition vient dire aux fidèles que ça marche. L'apparition de la Vierge, une guérison quelque part dans une autre religion, une autre secte. Un petit quelque chose, un petit rot. On appelle ça un rapport. C'est un rapport divin. C'est le rapport fait à l'homme que ça marche. Et l'homme s'en contente. Parce qu'un individu sur la planète est guéri miraculeusement, c'est-à-dire qu'il est guéri d'une façon bizarre que l'homme ne comprend pas, miraculeusement, ça prouve que Dieu est juste et bon. Même s'il y en a 1 million qui sont miraculeusement malades, ça ne dérange pas, ça, là. On croit plus facilement à Dieu qu'au diable, même si on a plus d'expressions involutives dans le visage que d'expressions évolutives. Il y a des mécanicités qui permettent à l'homme de supporter son ignorance. L'une des plus grandes mécanicités qui permettent à l'homme de supporter son ignorance est le système spirituel. Le système spirituel est un système de croyance. Le système de croyance est un système d'entretien de l'ignorance. Celui qui ne peut pas comprendre est ignorant. Celui qui ne peut pas comprendre et qui est ignorant, qui commence à se réveiller, souffre. Et celui qui souffre a besoin de chaises roulantes, de béquilles, de supports. Et c'est là que la théologie, quelle que soit sa forme, que la spiritualité intervient. La problématique, c'est que toute forme de religion ne permet pas à l'homme de se libérer d'elle. Donc, toute forme de religion rend l'homme esclave. Et l'évolution à travers l'esclave se fait difficilement, parce que c'est le maître qui décide, c'est celui qui donne les ordres, qui déménage, qui arrange le champ. Pas celui qui est esclave. Celui qui est esclave, il fait partie du troupeau. On le fouette s'il n'accomplit pas les tâches convenablement. On le menace des chaînes, du feu et de l'enfer s'il n'est pas tout à fait abasourdi par la bonté du maître. Le maître est bon. Si tu m'écoutes, je te fouette pas, je te mets pas de chaînes, je t'arrache pas les ongles d'orteil, je te lime pas les dents, je tue pas ta femme et tes enfants, je suis bon. Et je donne des commandements. Tu m'écouteras la lettre. Tu n'auras qu'un seul maître, exclusivement moi. Vous ne vous volerez pas entre l'un et l'autre. Hey, je suis bon, hein? Quand vous volez, vous chicanez, puis ça salue au travail. Bon, fait que, interdiction de voler. Vous ne tuerez point! Ça va, tu vois, tu tues mes esclaves. Vous ne tuerez point. Vous vous respecterez ou les enfants respecteront leur père et leur mère. Ça va de soi. L'enfant qui vient au monde, il est libre par sa conscience. Il est instruit par ses parents, qui eux sont mes prisonniers, mes esclaves. Alors si je dis à l'enfant, respecte tes parents. Les parents sont orgueilleux, vont dire, hey, wow, il est correct le maître. Il veut que les enfants nous respectent, c'est bon. Puis nécessairement, les parents vont instruire les enfants à suivre le maître, à écouter le maître, à devenir esclave. Alors voilà pourquoi je passe ce commandement. Et tu t'auras. L'évolution sert à quoi? On évolue pour servir fidèlement un grand monarque. Il a tout créé. Il a même créé des chandelles qu'on doit brûler pour lui. Mais il n'a pas été capable de les allumer. Il a besoin de nous autres, il nous a créés pour ça. Il a créé des veaux, des brebis. Il nous a créés pour les égorger. Pour lui. Il nous a donné deux bras pour qu'on puisse en perdre un, pour sauver la vie de notre fils. Il n'a pas été capable de donner la santé à notre fils. Il veut savoir si on l'aimait. Mais si je donne mon bras pour sauver mon fils, pas Dieu que j'aime, c'est mon fils. Et s'il n'a pas compris ça? L'évolution spirituelle, c'est adorer ce qui nuit. L'évolution spirituelle, c'est adorer l'involution. Dans la spiritualité, il y a le mal. Dans la spiritualité, il y a le bien. Mais les deux sont ensemble. Le bien est visible exclusivement parce que le mal s'éloigne. Parce que je cesse de fouetter un esclave, il découvre que le bien existe. Et de temps en temps, c'est quand l'esclave oublie que le bien est là, je recommence à le fouetter. Et là, après ça, j'arrête. Étant brillant, j'envoie mon fils le fouetter. Puis quand il est au sang, bien, j'interviens, je dis à mon fils, « Va-t'en, voyons donc, voyons, tu vois pas que... » L'esclave dit, « Hey, le maître, il est bon. » Une différence de potentiel. Et toute notre vie, c'est une vie stupide qu'on vit sur le plan planétaire. Ça va de soi. Quand on se réveille, qu'on ouvre, on a peur d'ouvrir les yeux. Quand on ouvre toute notre conscience, on arrive sur le bord d'un gouffre. Et ce gouffre a été paramétré par toutes les formes de spiritualité depuis le début des temps de la conscience humaine. Pour qu'on ne voit pas le gouffre. Les voies des dieux sont impénétrables. Va te coucher, pose pas de questions, puis reste cave. Mais quand l'humain ouvre un peu les yeux, quand l'humain commence à poser des questions, il découvre qu'il y a un immense gouffre. Il découvre même presque qu'il est totalement dans les airs. Et qu'il tombe. Ou qu'il monte. Il ne sait pas où il va. Mais il n'y a pas de plancher. Et c'est là qu'il cherche des béquilles. Alors que la liberté, c'est d'être libre. Pas libre appuyé. Celui qui est libre maintenant qu'il y a des béquilles est limité à ses béquilles. Toutes les spiritualités sont des béquilles. Et on est limité à nos béquilles. Alors certains vont dire, mes béquilles sont meilleures que les tiennes. C'est possible. Peut-être qu'elles sont trop grandes pour moi, trop petites pour moi, pas assez solides, trop pesantes. Peut-être qu'ils me font. Et je changerai de béquille. Mais on reste limité. Et si notre vie est finalement de tomber, pas de s'appuyer, pas de s'accoter, de s'agripper, si l'évolution, c'est de rester libre, de rester disponible. Disponible à quoi? À la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière? La lumière, c'est un terme humain qui a le plus de saveur émotive du point de vue de l'ego, de l'âme, de l'astral, lui permettant de faire comprendre à cet ego que l'intelligence, que l'esprit, si on dit c'est de la lumière, ça va le rassurer, le nourrir et lui permettre d'étendre sa conscience. Quand l'ego voit à cause de la lumière, il voit les meubles autour de lui, il voit les humains autour de lui, il voit les handicaps autour de lui, il voit. Et lorsque le soleil se couche, plus de lumière, il a peur, il ne voit plus rien, il se frappe les tibias sur les meubles. Et c'est pourquoi, du point de vue planétaire, du point de vue humain, l'esprit, l'intelligence, est souvent synonymisé, on prend comme synonyme la lumière. La lumière se déplace à 299 792 plus ou moins 5 km à la seconde dans notre continuum. Mais la conscience, ce qu'on appelle aussi la lumière, ça peut être instantané. La seule chose qu'il y a, c'est que l'homme est à peu près jamais là où il y a de la lumière. L'homme, il est là où la lumière a été. L'homme, il est dans sa mémoire. Étant dans sa mémoire, il se rappelle certaines choses et il fouille là. Et il essaie de vivre la photo. Lorsque l'on projette un film où on a filmé le soleil, ça aveugle quand on regarde l'écran. Ça aveugle, c'est de la lumière. Mais ce n'est pas comme quand on regarde le soleil. Alors lui-même préfère regarder le film. Le film lui appartient, il était à lui, il était à l'intérieur de lui, c'est sa mémoire, ça le constitue, c'est son Dieu. Sa vérité. Et c'est une grosse illusion. Puisque Dieu, la lumière, l'intelligence, ça n'appartient pas à un véhicule de chair qui est encore en train de chicaner pour savoir qui c'est qui a pris son crayon. Voilà 4,5 milliards d'années, certaines montagnes sont apparues. C'est la planète Terre qui apparaissait. Alors, on va ajuster, disons, voilà, 1 milliard d'années, 50 millions d'années. Des montagnes sont apparues, des territoires. Et il y a des humains qui sont venus au monde il y a 20, 30 ans, qui se battent parce qu'ils prétendent que ça leur appartient. Ils vont mourir. Et pendant des millions d'années, le territoire va rester là. Il y a une gang de zigotos qui seront battus à un moment donné, quelque part, dans un clignement de cils du territoire, pour sa possession. C'est ma montagne, c'est mon territoire. J'ai mis la frontière là. C'est là, des milliers d'années, des millions d'années avant que tu viennes au monde. Ça va rester bien après. On ne saura même pas que tu es passé. Mais le peu de temps que tu es passé, qu'est-ce que tu as fait? T'es chicané pour une frontière. L'évolution, c'est juste être libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les grands pièges de l'évolution, il y a la spiritualité. Parmi les grands pièges de l'évolution, il y a l'amour. C'est le deuxième magistral piège. On ne devrait jamais aimer. Quand on aime, on souffre. On est angoissé, on est jaloux, on est colérique. On ne respecte plus ce qu'on aimait. Quand on était deux amis, on se respectait. Maintenant qu'on vit ensemble, non. Il ne peut plus s'habiller comme il veut. Il ne peut plus sortir quand il veut. Je l'aime. Même Dieu, ceux qui l'aiment, non, ils vont décider comment est Dieu. Puis si Dieu apparaîtrait en forme physique, ben, ils vont vous le décrire. Puis si tu arrives différemment, c'est pas Dieu. L'amour. Et évidemment, l'amour, c'est une grande émotion, mais tout le système émotif de l'homme est un grand piège de l'évolution. Quelle que soit l'émotion, c'est une farce. L'émotion fait partie de la chute de l'homme. L'amour fait partie de la chute de l'homme. La mémoire fait partie de la chute de l'homme. La spiritualité fait partie de la chute de l'homme. Et tant que l'être humain vit exclusivement à partir de son passé, de la chute de l'homme, ben, l'évolution, elle se fait. Mais ce n'est pas l'homme qui en bénéficie. L'homme continue à vivre exactement comme s'il était un animal. Il jappe. Il appelle ça les colères. Il pisse sur ses coins de territoire. Il appelle ça les frontières. Le sexe. Ça va mal dans un couple? On va étudier votre relation, votre vie sexuelle pour commencer. Il y a quelqu'un qui est frustré. C'est pas à cause qu'il y en a un qui n'est pas intelligent. C'est pas à cause que vous avez manque de dialogue du point de vue d'efficacité. C'est pas à cause que votre espace vital est périmé. Non, non, on va commencer par le sexe. Ça va être frustré ou pas, tu sais. C'est le sexe. On est très animal, intéressant. Toute la vie est bâtie comme ça. Toute l'évolution de l'homme est basée sur la frustration. C'est ça la chute. Si vous voulez être sauvé, diront plusieurs. Vous devez ne plus faire ceci, ne plus faire ceci, ne plus faire ceci. Il y en a qui se couvrent la tête régulièrement, il y en a qui se couvrent le visage régulièrement, il y en a qui sont habillés en noir, le moindrement qu'il y a une mortalité dans la famille, fait qu'ils passent leur vie en noir. Il y en a qui doivent aller à la messe tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis, dépendant des religions. Il y en a qui doivent manger tel genre de nourriture, se coiffer de telle façon. On se fait encore la circoncision, parce que dans l'Antiquité, il y avait tellement de phimosis, de maladies, que ça rendait les mâles stériles. C'est intelligent que l'intelligence prescrive la circoncision. Aujourd'hui, maintenant qu'on est propre, il y en a encore qui continuent à se circoncire. Il y a tellement, tellement, tellement. de farce. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mélanger les choses. Les humains qui sont assujettis à l'illusion ne sont pas des imbéciles. Ils ne sont pas encore réveillés. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, « Ben oui, mais réveille-toi! » Non. C'est comme de dire à un aveugle, « Ben oui, mais crime, regarde! » Facile, je vois, regarde, c'est... Non. Ça ne fonctionne pas. Si ses yeux ne sont pas prêts, il a beau être le plus brillant du monde, il ne peut pas. Donc, on ne peut pas convertir autrui à l'évolution. On ne peut pas. On peut convertir autrui au mensonge, oui, ça on peut. On peut faire croire à l'aveugle qui voit. Et maintenant, ta vie est plus belle. Oui, mais ce qu'il voit, ce n'est pas ce que les autres voient. Et parce qu'on va faire une espèce de consensus sur les mots, sur la façon de voir le rituel, la tradition, eh bien, on pense qu'on voit tous la même chose. On ne voit pas tous la même chose. On n'est pas dans des chemins pareils. L'évolution, c'est d'être libre. Seulement libre. Être en amour, c'est être pris. Les anciens sages, avant qu'on invente la sagesse, avant qu'on leur dise « Ah oui, t'es sage », puis qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, je suis sage. » Avant, les vrais sages. On dit qu'on ne doit pas aimer. Les initiés n'ont pas de famille, ni femme, ni mari, ni enfant. Ils ne peuvent pas aimer une chose plus qu'une autre chose. Mais ce n'est pas donné à tous les humains. L'humain a ce facteur émotif chez lui. Il aime. Il sélectionne des choses et il s'attache à certaines choses et en rejette d'autres. Cet attachement, ce handicap majeur, il appelle cela l'amour. Il est lié, attiré, il a un penchant, puis il tombe. Je l'ai dit souvent, attacher deux oiseaux les uns aux autres, même s'ils ont quatre ailes, ils ne peuvent plus voler. Et cela, c'est beau l'amour. Tu étais dans un trou, et par amour, j'ai jeté la corde et moi avec. Nous nous sommes attachés ensemble, et par amour, nous nous sommes montés sur le dos le restant de notre jour, de nos jours. Chicane après chicane. L'humain peut travailler ensemble, jamais vivre ensemble. On peut travailler ensemble dans la même maison pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. Mais on vit séparément. Je vois des choses, je vois des choses. Je n'ai pas besoin de convertir l'autre. Lui, il ne voit pas ce que je vois. Il n'a pas besoin de commencer à m'enterrer. Il a ses goûts, il a ses besoins, qu'il les fasse. Non. Ceux qui sont dans l'ignorance parce qu'ils mécaniquement ils ne peuvent pas voir. Alors, on ne peut pas. En tant qu'humain, faire quoi que ce soit pour les aider à mieux voir. Lorsqu'ils viennent chez nous, lorsqu'ils nous posent des questions, on répond à leurs questions exclusivement. Fini d'or. Prendront ce qu'ils auront besoin. Et lorsque nous, on a des questions, on va voir qui de droit. Et on pose des questions. Ils devraient nous donner exclusivement ce qu'on demande. S'ils nous en donnent trop, c'est pas bon. Parce que tout ce qu'on n'a pas besoin, on va le rentrer en mémoire. On finit par s'attacher. C'est rempli notre mémoire d'informations nouvelles. C'est dangereux. L'évolution, c'est être libre. Être libre veut dire ne pas être attaché. Être libre veut dire être son seul maître. L'être humain n'a pas de libre arbitre, du point de vue de son âme, du point de vue de son ego, mais il a une liberté dans sa conscience. Donc, si dans votre tête, vous ne souffrez pas de constater que vous mangez trop et que vous n'avez pas le contrôle, vous évoluez. Là, oui. Parce que maintenant, vous êtes devenu de l'esprit. Et vous constatez, vous avez toujours été de l'esprit. Et l'esprit maintenant est plus énergisé. Elle a même commencé son énergification, sa construction énergétique. à force d'énergisation. Et maintenant, chez vous, vous savez que vous cohabitez avec quelqu'un ou quelque chose dans votre corps. Alors, vous savez que telle chose n'est pas correcte, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Ça ne vous dérange pas. Vous vous dites, à un moment donné, je serai le boss. Pour l'instant, je suis encore pogné à me coucher à des heures impossibles parce qu'il y a un truc qui voulait regarder la télévision. Je sais que je devrais me coucher, puis j'arrive pas à peser sur le piton ou à me lever pas éteindre, puis je le sais, mais ça marche pas. Je suis deux. Un petit et un grand. Mais le grand est en train de naître, pas encore le contrôle. Alors là, vous évoluez. On ne prie pas la lumière en lui disant « Viens chez moi. Je ferai tout ce que tu vas me demander. » La lumière n'est pas folle. Elle sait que l'humain qui dit ça est un beau menteur. Il ne fera jamais ce que la lumière va lui demander. Jamais. L'ego n'est pas capable. Première chose que la lumière demande à un ego, c'est Hara Kiri. Et ça, l'ego ne s'attendait pas à ça. Quand l'esprit descend dans l'homme, l'esprit dit à la mémoire du contact, au simulacre d'esprit, à l'âme, eh bien, décolle. Plus besoin de toi. Lorsque l'esprit descend dans l'homme, l'homme n'a plus besoin de sa mémoire pour se rappeler ce qu'il a appris. Il y a de l'esprit dans lui. Ça, c'est tout. Puis l'homme n'a plus besoin d'un observateur pour pouvoir triper, jouir du contact avec l'esprit. L'esprit s'en fout. Pas besoin de ça. L'esprit dans l'homme n'a pas besoin d'un véhicule émotif, exprimer de l'émotion. Non. Est-ce que c'est nécessaire pour l'esprit de montrer qu'il aime l'humanité? Non. Il aime l'humanité. Et si l'humanité n'est pas capable de le voir, c'est vraiment pas un problème. L'esprit ne perdra pas son temps à prouver qu'elle aime l'humanité. Ben non. C'est pas nécessaire quand on aime de prouver qu'on aime. C'est pas nécessaire. Perte de temps. Alors, c'est évident que lorsque la lumière descend dans l'homme, bien, les choses qui changent. Est-ce que la lumière qui descend dans l'homme fait que l'homme va encore à la messe prier? Non, la lumière n'est pas descendue dans l'homme si l'homme va encore à la messe prier. Est-ce que l'homme qui se chicane a de la lumière chez lui? Il y en a. La lumière pour prendre le contrôle. Être libre? Libre. Ça veut dire quoi être libre? On vous arrache un œil? Pas grave. Vous êtes libre. Certains vont dire, oui, mais crime, c'est pas grave, tabarnouche, après ça, j'ai un œil en moins. Ah oui, tu l'as en moins. Que ce soit grave ou pas, tu l'as en moins. Acceptez le neuf. Vous deviez naître avec un œil. Une erreur. Et passez 30 ans avec deux yeux. Maintenant, corrige l'erreur de vous chioler. Vous avez 30 ans avec deux yeux, mais vous chiolez alors que vous auriez dû avoir aucune année avec deux yeux. Ça dépend des points de vue, remarquez. L'idée, simplement, c'est que les choses sont ce qu'elles sont. L'être humain avance. Avançant, il cumule le temps. Cumulant le temps, il détruit le passé. C'est ça le rôle de l'homme. Résorber l'univers. Engouffrer en énergie le temps. Ce qui fait que la majorité de l'homme est une créature du temps. Et lorsque nous avons engouffré le temps, lorsque nous avons transformé l'avenir en instantanéité de présent et que nous l'avons mémorisé chez nous, il n'existe plus le passé. Il existe chez nous, et pas cosmiquement. De ce fait, le passé devient irréversible. Il ne peut plus changer. Il n'existe plus. Lorsque l'homme est passé dans une trame temporelle, l'avenir existe, l'homme n'est pas encore été dedans. Présent, c'est là que l'homme est. Mais derrière l'homme, il n'y a plus rien. Étant donné que l'humain avance comme ça, c'est son rôle. On n'a pas besoin d'avoir des millions d'années de bouffage de temps pour comprendre. On a besoin juste d'être prêt à comprendre. Il n'y en a qui ont compris là 30 000 ans. Il n'y en a qui ont compris là 2 000 ans. Il y en a qui vont comprendre. Il y en a qui comprennent. l'irréversibilité des choses et ce qui dérange le plus l'homme. Et c'est là qu'il voit qu'il est petit. Mais dans l'évolution, l'homme n'est pas petit. C'est sa grandeur qui fait que les choses sont irréversibles. Il engouffre l'événement. Il se véhicule dans le temps et dans l'espace, donc dans l'événement, et sa conscience engouffre l'événement. Mais l'ego aimerait changer des choses, parce que l'ego a expérimenté des choses. L'ego, c'est le cœur de l'âme, le doigt de Dieu dans l'homme, le Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Et lui est tellement petit, ce Dieu, qu'il ne peut pas contrôler le temps. Et la souffrance divine transparaît dans l'âme, et l'âme souffre de l'irréversibilité des choses. Pourquoi Dieu ne redonne pas la vie, ne recrée pas les paradis, ne répare pas un accident? Ça appartient à l'homme maintenant. Ce qui est fait appartient à l'homme. Ce qui n'est pas fait appartient à Dieu. OK. Et à l'homme aussi, mais à Dieu aussi. Ce qui est accompli. Seul l'homme peut le changer dans l'instantanéité de sa conscience. Pas cosmiquement, matériellement dans le passé. Le rôle de la race humaine est de retourner vers le centre source, vers l'origine. Le rôle de la race humaine est de détruire l'univers. De résorber totalement la création. C'est ce que l'homme fait. Il chemine à travers les continuums de temps et, mémorisant, il accumule ce temps. Il ne reste plus rien en arrière, juste en avant. L'évolution de l'homme, c'est d'atteindre la conscience. Être libre, cela veut dire ne plus être attaché. Ne plus être attaché au passé. Ne plus chercher à vénérer ce qui n'existe plus. Sauf là-dedans. Tous vos ancêtres sont cumulés génétiquement dans vos cellules. Toute l'expérience émotive de vos ancêtres est cumulée dans votre âme. Tout le passé est actuellement présent. Pas l'avenir. Il y a des mémoires qui se réincarnent de l'avenir chez vous. Ça arrive de temps en temps, occasionnellement. Et au fur et à mesure de notre vie, nous cumulons tout ce qui reste comme trace du passé. Nous dissolvons le monde de la mort. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de morts, autant nous en prenons, autant il y retourne. Jusqu'au jour où l'homme va vivre de plus en plus longtemps, ce qui est commencé. Et là, le monde de la mort perd en substance. Et c'est pourquoi il y a moins de naissances, ça va tout faire. On meurt moins. On nourrit moins en haut. Être libre de tout, c'est quoi? Cela veut dire être libre de la vie. Donc, être libre de la mort. Être libre de nos doigts, de nos yeux, de notre nez, de notre corps. Cela veut dire être libre de notre apparence. Ça évolue. Ça, c'est l'évolution. Le témoin de Jéhovah, le chrétien qui, à un moment donné, se fait surprendre à poil chez lui. Puis ça le dérange pas pantoute. Ou il est cochon, ou il est évolué. Celui qui, dans un accident, se retrouve à l'hôpital et qui dit « Bon, longtemps, je vais prendre des vacances, m'en profiter. » Celui qui regarde sa femme ou son mari s'en aller ou ses enfants rendus à un certain âge, le quitter, et que ça ne le dérange pas. J'ai déjà rencontré un sage, un évolué. La première fois que je l'ai vu, il était en sous-vêtements, en train de se baigner dans le lac Saint-François, il tassait les petits blocs de glace qui flottaient. Il y avait son chien Tarzan qui était grimpé dans un arbre qui le regardait. L'arbre était un peu penché, il avait mis une planche pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Puis il s'occupait de quelques prisonniers qui sortaient de la prison de Cowansville. Et puis, il répétait tout le temps... Ça gagne. C'est entre les deux oreilles que ça se passe. faut pas que tu sois de la théorie, il faut que tu sois de la pratique. Il n'y a pas d'instruction, ça va à peine lire. C'est le bordel chez eux, c'est absolument, ça n'a aucun sens. On ne trouvait rien. Mais lui, tout ce qu'il avait besoin, c'était pas dans le bordel. Parce que chaque fois qu'il se réveillait, il était là. Il n'était pas perdu. À un moment donné, il y a un mec qui a appliqué là, qui avait besoin d'une place, il a laissé une roulotte. Puis là, il a vu que le gars déprimait. Puis ils ont changé, le gars il est resté dans sa maison, puis lui dans la roulotte. Puis le gars l'a tout volé. Mais il n'y a pas grand-chose à voler, il faisait plusieurs fois. Ça ne l'a pas dérangé. Ce n'est pas une histoire fictive, c'est une histoire réelle. Près de Rivière-Baudette. Ça, c'est un gars évolué. Est-ce que c'est un maître? Non. Est-ce que c'est un sage? Non. C'est un être humain évolué. C'est un être humain que vous ne pourrez jamais rendre esclave. Sautez sur lui, cassez-lui le nez. Ça ne le dérangera pas, ça ne va rien changer dans sa vie. Il va être plus laid qu'avant. Ça n'a rien à voir, ça le regarde tout, il n'y a même pas de miroir chez lui. Exproprier son terrain, comme c'est arrivé. Déménage. Il disait à tout le monde qu'il vivait sur une île entourée de terre. C'est un être humain libre. À un moment donné, il y a les outlaws, des motards. Ils arrivent en grosse gang chez lui. Parce qu'il y a une espèce de petite... il y avait une espèce de petit bar avec une salle de danse qui ne servait plus. C'était plein de vieilles antiquités là-dedans. Dont un cercueil, il se couchait dedans de temps en temps. Faire peur au monde. S'amuser. Il n'a jamais été abattu. Il a toujours été respecté, même par les pires. Parce que ceux qui arrivaient voulaient y faire peur, voulaient le maganer, comme les mauvais, en guillemets, font. Puis lui, ben, ça le dérangera pas. On cassait ses vitres. Hé, hey, les gars! Tabarne! Pas d'allure faire ça! Puis les gens voyaient bien que, c'est vrai, ça n'a pas d'allure faire ça. Mais c'était pas parce qu'émotivement, ils chiolaient. Parce que c'était pas d'allure, puis ça passait. Être évolué, c'est être libre. Simple. Très simple. On peut préparer son avenir. On peut ramasser de l'argent et être évolué. Et si on la perd, on n'a rien perdu. L'humanité et l'histoire l'ont prouvé. Chaque grand problème a toujours été réglé. Dans nos vies, on en a eu des problèmes majeurs. Puis aujourd'hui, ben, ça passe. Puis ceux qui sont dans des problèmes, ben, s'ils restent encore en vie, dans 5-10 ans, ils vont en rire. On rit toujours du passé. Hey, on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas si drôle que ça. Mais non, à l'époque, tu étais dedans, c'est tout. Si tu aurais su qu'un jour, tu serais plus dedans, ben, tu aurais ri à l'époque avec. Tout se règle. On doit être de la pratique, pas de la théorie. C'est simple. On peut être millionnaire et être évolué. On peut être pauvre et ne pas être évolué. Le sida. Vous connaissez le sida? C'est les sinistres individus dominés par l'astral. C'est ceux qui chialent. C'est ceux qui sont contre le film « La dernière tentation du Christ ». Au lieu d'évoluer, ils protègent l'archétype du Christ. C'est ceux qui se promènent avec leur Bible. Puis qu'on ne peut jamais rien dire si ça n'a pas été écrit dans la Bible. Puis si on dit ce qui s'est écrit dedans, mais c'est pas comme eux autres qu'on l'interprète, c'est pas correct non plus. Ça, ici. Il y a une différence entre celui qui connaît et celui qui est évolué. Il y a une différence entre celui qui sait et celui qui a appris. Celui qui doit apprendre à la lettre un texte et par la suite ne jure que par ce texte est intéressant. Un jour, peut-être, on aura des librairies pour vendre ce genre d'humain. Achetez pas la Bible. Achetez le gars. Il la connaît par cœur. C'est bien plus facile, tu poses une question, tu réponds. Tu as bien posé une fouillée. Mais qu'est-ce qu'il est, lui? Est-ce qu'il est un être humain? Un humain? Un animal humain? Ou un livre humain? Il ne réfléchit plus. C'est page 827, telle ligne, telle affaire, plank. D'être. Si un jour il perd une main, il aura toujours sa Bible. Si un jour il perd un pied, il aura toujours sa Bible. Si un jour il perd sa femme, ses enfants, son mari, il aura toujours sa Bible. Mais si un jour il perd sa Bible, il est fait. Alors, nécessairement, pour ne pas perdre sa Bible, il fait du porte-à-porte pour convertir les gens, pour que la Bible reste à travers le temps, sa Bible. Ce n'est pas ça, l'évolution. Ces êtres humains évoluent aussi, mais ils ont comme immense tâche, comme géniale tâche, comme fabuleuse tâche, de supporter sur leurs épaules tout le poids de l'involution pour permettre à quelques rares personnes d'évoluer. Lorsque ces quelques rares personnes auront traversé certaines brumes, ils auront tracé un chemin pour ceux qui, justement, ont besoin du passé. Ces personnes attendent des signes. Les signes devront être tellement grandioses ils devront apparaître comme des signes, même si ça ne ressemble pas à ce qui a été prescrit par eux autres. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Quel que soit l'humain, sa couleur de peau, sa couleur neuronique, sa grandeur, quel que soit l'humain, si on peut lui donner une claque en plein visage, puis il n'y a aucune hormone qui est sécrétée dans son corps physique, c'est un Dieu. Est-ce qu'il peut guérir? Ça n'a rien à voir. C'est le malade qui a besoin d'être guéri, pas lui. Alors pourquoi il guérirait? Pour prouver? Non, non. Quand il y aura trop d'énergie, les gens vont être guéris automatiquement, mais ce ne sera pas de sa faute. Être libre veut dire s'abandonner dans l'irréversibilité. Ça ne veut pas dire être fanatiquement morbide et de dire « je suis né pour un petit pain ». Non! Ça veut dire que toute la merde qu'on a eue, bien, on l'a eue. Et puis merde. Et que maintenant, je suis là. Je constate. J'ai peur des ascenseurs. Est-ce que c'est parce que dans mes vies antérieures? Est-ce que c'est parce que dans ma jeunesse? Ça n'a rien à voir. Dois-je ou non prendre l'ascenseur? Le métro vertical. Oui, alors je travaille pour prendre l'ascenseur. Au pire, je ne peux vraiment pas. Je me ferai moine et je prendrai l'ascenseur. À l'intérieur de chaque être humain, il y a suffisamment d'énergie pour que ça éclate. Sauf que il y a cette graine placé dans de la bonne terre. Oh oui, oh oui. Mais la terre, elle a été tellement compactée à travers le temps. Qu'on finit encore par essayer de planter des graines alors qu'il y en a une dedans. Cette terre, ce corps physique, cette mémoire, cet amas de réincarnation, cette expérience, l'histoire. Et il faut que la lumière cesse de tourner autour. Parce que la petite graine dans son phototropisme, dans la recherche de lumière, ben, quand on plante une graine à terre, qu'est-ce qui lui dit que c'est pas par là, faut qu'elle pousse, ou par là, que c'est par là? C'est intéressant. Mais il faut que les conditions deviennent stables. Hein? Si la gravité terrestre n'a pas son temps à changer et que le soleil n'a pas son temps à changer de place, la graine, elle va... Quand on va creuser, on se ramasser avec la plante au complet en boule. On va dire, tiens, ben ça avait poussé, mais c'est jamais sorti. il y a la liberté. Alors, dans les pièges de l'évolution, on a vu la spiritualité qui était l'alimentation inconsciente, involontaire, d'une grande gueule, d'un ténia, d'un ver solitaire. Dieu est tellement seul qu'il a créé l'homme pour le désennuyer. Bon. Il y a l'amour. Je parle de l'amour psychologique, je ne parle pas de l'amour intelligent. Et l'amour intelligent, ben, il est facile à reconnaître. S'il y a une seule chose dans l'univers que vous n'aimez pas tout court. S'il y a une chose que vous aimez plus qu'un autre, c'est de l'amour psychologique. Un amour qui va vous limiter, qui va vous faire souffrir à un moment donné. Et si on découvre qu'on a ce genre d'amour, eh bien, c'est pas grave. Je suis encore un être qui a une partie de moi qui aime le pot, qui aime ma fille, qui aime mon gars, qui aime ceci, qui aime cela plus que les autres. Bon, c'est correct. C'est idiot con, c'est évident. Pourquoi c'est idiot con et évident? Parce que le moindrement qu'ils font quelque chose que j'aime pas, j'en souffre. Parce que s'ils s'en vont ou si ma fille sort avec un gars, je suis jaloux. Parce que si mon gars sort avec une fille, je suis jaloux. J'ai l'impression que je perds quelque chose. Il n'appartient pas aux autres. Parce que si ma femme décide de sortir avec ses amis un mois de temps, ben je m'ennuie. Alors, vu que je suis intelligent en même temps, ben j'ai pas même le choix de constater que c'est idiot d'aimer comme ça. Et je m'achète un Midwest, je mets une chandelle dessus et je fête. Ben oui, je fête. Je fête parce que je vois que c'est idiot. C'est la preuve que j'évolue. Mais je ne perds pas mon temps à chioler parce que je vois que c'est idiot. Au lieu de fêter, il y en a qui se culpabilisent, il y en a qui saillissent, il y en a qui se maudissent d'évoluer. Quand je ne voyais pas, c'était plus facile. Mais changez la chose. Maintenant que vous voyez, fêtez-vous donc. Oui, mais je suis encore tout croche. Non, non, vous n'êtes pas tout croche. Ça, c'est votre ego qui est tout croche. C'est l'animal humain dans l'homme qui est tout croche. C'est la mémoire de la chute qui est tout croche. Mais ça ne peut pas être droit à ces croches. C'est de l'illusion. Ne demandez pas de l'illusion d'être la réalité. Exigez pas d'un film que l'acteur sorte de l'écran et que ça devienne la réalité. Ça ne marche pas. Vous avez payé un billet pour voir un film, vous allez voir un film. Vous êtes la réalité dans le cinéma. La réalité, c'est vous qui observez de l'illusion. Mais l'illusion restera de l'illusion. Et lorsque l'être humain évolue, il découvre qu'il est dans un cinéma, il découvre qu'il regarde un film. Et celui qui commence à évoluer, maintenant, il exige que le film évolue avec lui. Mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Peut-être même que l'individu à côté de vous fait partie du film. Là, vous voulez le convertir, l'instruire à l'intelligence. Hein, mais ouvre tes yeux, voyons, tu ne vois pas que c'est un film. Bien, le film, il dit non, je ne vois pas que c'est un film. Il fait partie de tout ce qui n'est pas vous. Alors, vous ne pouvez pas exiger de l'extérieur de voir ce que vous, vous voyez. L'évolution, elle est si simple. Être. Il n'y a pas de technique pour être. Il y a des manières d'être. Il y a des voies. À travers n'importe quel cheminement, l'humain peut être n'importe où dedans. Normalement, étant donné l'emprise de l'ego, la Terre trop compactée, une personne qui se met à travailler à temps plein et qui ne part pas trop bas, devrait parvenir à s'en égoïser, à faire germer la lumière, l'esprit. En dedans de 30 à 45 ans, sûr. Il y a toujours des exceptions. Il y en a qui prennent plus de temps. Et là, il y en a aussi qui en prennent drôlement moins. Et une autre illusion de l'évolution, un autre piège, c'est qu'il y a énormément d'humains qui se disent, ben oui, mais tabarnouche, moi je suis rendu à 65 ans, 45 ans. Puis si je regarde comment j'ai changé, là, puis j'extrapole, encore besoin de plusieurs vies. Quel âge avez-vous? 300, 800, 1000, 5000, 20 000 ans. On compare à partir de la naissance du corps physique l'âge de notre esprit, l'âge de l'expérience planétaire de notre esprit. Alors, on calcule mal, très mal. Certains disent, oui, mais j'ai pas d'instruction, j'ai pas... Est-ce que vous pensez que la lumière, elle sort des universités? Non. Elle est dans l'homme. Elle est dans la femme, elle est dans l'enfant. Il peut être dans l'université, lui. Mais c'est pas parce que sa lumière, il est apparu d'en face quand il était dans un cours de philosophie que tout le reste de la classe va un jour arriver à la même chose. La lumière, elle apparaît chez l'homme. Elle rayonne à un moment donné. Mais il y a quelque chose chez l'homme, ce goinfre, qui veut tout ramasser de la lumière qui sort. Ça s'en va dans le monde de la mort. Gloire à les dieux, les théologies. Si un jour vous êtes capable d'avoir suffisamment d'énergie vitale pour guérir, guérissez. Et si vous voulez avoir la paix, ayez une Bible sous le bras. Et on vous laissera en paix. Mais si vous ne l'avez pas, c'est le diable qui par vous guérit. Parce que l'humain n'est pas capable de se contenter de la guérison. Si un jour vous avez un retour à la jeunesse, paf, 17 ans, que ce soit Dieu ou le diable, est-ce que ça va changer quelque chose chez vous, celui qui vous a rendu jeune? Si vous faites un pacte avec, c'est autre chose, mais si subitement le diable vous dit « paf, t'es jeune, là, c'est grâce à moi, suis-moi. Ben, je suis jeune, là, moi, je cours plus vite. Suis-moi. » Ouais, mais s'il me remet vieux, qui me remet vieux? Puis s'il me tue, qui me tue? Il va tuer quoi? Le corps. Il va retourner dans le monde de la mort, les mémoires qui me constituent, puis l'esprit reste libre. Et ça crée de l'expérience dans le monde de la mort, que les temps s'en viennent, où la lumière va jaillir à travers le corps de l'homme. C'est simple, l'évolution. C'est cesser de la refuser. Cesser de s'attacher au passé. Cesser de mendier ce qui nous appartient. On doit tout changer la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire qu'on doit accepter du neuf. Et accepter du neuf veut nécessairement dire abandonner ou digérer le vieux. On ne peut pas dire, tu m'amènes une nouvelle couleur, ben là, je vais la mélanger avec tout mon stock. Après ça, je vais te dire si elle est belle ou pas belle. Il va falloir que j'en mette du jaune dans ton paquet de couleurs pour qu'un jour, toutes tes couleurs soient jaunes. Ça n'a aucun sens. Tu as du bleu, tu as du vert, tu as du brun, tu as du gris. Moi, je t'amène le jaune, tu le mélanges avec tes couleurs, puis tu dis, ben, c'est pas jaune comme tu m'as promis. Alors, la lumière doit descendre, jusqu'à temps que ton brun soit tellement imbibé de jaune, qu'il paraisse jaune, que le vert soit paraisse jaune, que ça paraisse jaune! Alors que si on est libre, on est nous, avec nos problèmes, avec nos handicaps. L'homme n'est pas faible, l'homme! Pas l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est pas faible! Mais c'est pas lui qui a le contrôle! Ça sert à rien de se dire qu'on est faible, on n'est pas faible, on n'a pas le contrôle. C'est comme le passager qui dit « Tabarnouche, je conduis mal, je suis faible, j'ai tombé dans un trou. » C'est le chauffeur, c'est pas toi. C'est évident que si tu as le volant entre les mains et que ton automobile est téléguidée, tu penses que c'est toi qui conduis. L'esprit n'a pas encore le contrôle chez l'homme. Il a le contrôle de la conscience, ça commence à frustrer l'ego. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, on les écrit et on revient après la pause de 15-20 minutes.